Chapitre 10e. Point de vivre, et l'on sait quel estomac était celui de notre Tiberio. Mais la tartane avait à peine quitté le port, que déjà le voyageur était hors de toute inquiétude. Il venait de remarquer parmi les passagers de religieux, affligés de physionomies encourageantes, et qui semblaient destinés à devenir ses pères nourriciers. Pouvait-il douter du succès, lui qui avait triomphé de deux juifs? Prenant donc l'air béat d'un homme qui n'a de souci que celui de son salut, il commence à réciter les litanies des saints. Ses yeux en l'air et sa voix doucereuse attirent tout d'abord l'attention des passagers, et particulièrement celle des deux pères. Après les litanies vient le credo, après le credo le salve, après le salve le de profundis. Ainsi se passe toute la matinée. Scaramouche, à genoux sur le tillac, la tête pieusement tournée vers le ciel, ne cesse de réciter que pour chanter et de chanter que pour réciter. L'admiration est générale, mais elle est silencieuse, ce qui ne fait pas du tout l'affaire du dévot personnage. « Oh oh !» marmotte-t-il à part lui. « Est-ce qu'on va me laisser jouer longtemps cette comédie? Aurais-je donc éraillé en pure perte le timbre de ma voix et les genoux de mon haut-chausses? Et pourtant il faut que je continue. Je me suis trop avancé pour reculer. » Allons, un peu de courage. » Il s'applique alors à dire le Confiteor de sa voix la plus émue. Sa poitrine résonne sous les coups redoublés de son poing, et chacun de ses coups en fait jaillir un formidable mea culpa. Enfin, un des religieux s'approche. Il était temps. Scaramouche se sentait défaillir. Les yeux modestement baissés devant le bon père, qui le louait de professer une dévotion si fervente, il répond d'un ton pathétique. « Hélas, mon révérend, je suis un grand pécheur, et toute ma vie, passée dans la prière, ne suffirait point à laver les souillures de mon âme. » « Peut-on, sans être indiscret, dit le religieux, vous demander quel est votre nom et dans quel pays vous êtes né ?»« Je suis, répond Scaramouche, fils d'un gentilhomme napolitain âgé de 80 ans. Mon père possède environ 100 000 écus de biens, à la suite d'une longue maladie qui a failli me faire perdre la vie. Cet excellent père, dont je suis l'unique affection comme le seul héritier, m'a voué au grand saint Antoine de Padoue. Il a promis au ciel que j'irai à Padoue et que j'en reviendrai en demandant l'aumône. J'accomplis donc le vœu paternel, quoiqu'il me coûte beaucoup, je l'avoue, de vivre des charités d'autrui lorsque je le désire et le pouvoir d'être généreux moi-même. » Cette histoire, débitée avec componction, charma le bon père et tous les autres passagers qui, pour mieux entendre, s'était enguirlandé en cercle autour de Scaramouche. L'admiration monta aux nues quand il ajouta que son dessein était d'entrer en religion, aussitôt arrivé à Naples, pour reconnaître la grâce que Dieu lui avait accordée en lui donnant le temps de faire pénitence. Tout à coup, la cloche annonça l'heure du dîner. Les passagers étalèrent leurs provisions, qui sur des bancs, qui sur des coffres. Le tillac ressemblait à un vaste réfectoire. Un marinier s'empressa de servir le repas des deux religieux. Ce ne devait pas être le plus frugal de tous, à en juger par l'aspect et par le fumet. Les yeux de Scaramouche s'alanguissaient avec ferveur sur un spectacle si attrayant, mais cela ne suffisait pas à son estomac, et la vue de tant d'abondance n'avait d'autre résultat que de lui faire venir l'eau à la bouche. Mais bientôt, il se manifesta sur le pont un mouvement qui acheva de lui dérider le visage. Chacun des passagers vint l'inviter gracieusement à partager son dîner. Les deux religieux ne se montrèrent pas les moins empressés. Si bien que, après s'être cru trop pauvre, Tiberio se trouva trop riche. Faire un choix devenait chose embarrassante et délicate. Il fallait à la fois se décider pour la table la mieux servie et ne mécontenter personne. « J'accepte l'invitation des révérends pères, » dit-il enfin, les yeux humblement baissés. « Afin de ne point tomber dans le péché de sensualité et de prendre l'habitude de leur ordinaire, qui dans peu sera le mien. » Cette sage réponse excita l'admiration de toute l'assistance. Mais ce qu'on n'admira pas moins, ce fut la promptitude avec laquelle Scaramouche faisait le vide dans les plats abondamment garnis dont se composait le menu des religieux. Ceux-ci restaient plongés dans un tel ébahissement qu'ils oubliaient de manger. Lorsqu'ils y pensèrent, il était un peu tard. L'invité avait tout dévoré. Tiberio se leva de table, les larmes aux yeux et les mains au ciel. Les bons pères se consolèrent de leur abstinence forcée, en songeant qu'ils pleuraient ainsi de la joie d'être tombés en de si bonnes mains. La vérité est qu'ils pleuraient du chagrin de voir desservir d'une table voisine un chapon gras, qu'il eût envoyé volontiers tenir compagnie au dîner de ses hôtes. Ce qui enchanta, par-dessus tout, nos religieux, ce fut la ferme résolution qu'afficha le pèlerin de faire une donation de tous ses biens à leur couvent, aussitôt après la mort de son père, condamné depuis longtemps par les médecins. Aussi, la conversation devint-elle tout à fait intime, comme entre des amis de vieille date. Un des religieux raconta qu'il tenait du pape un crucifix d'or des plus précieux, non seulement par sa valeur intrinsèque, laquelle était au moins de 50 pistoles, mais encore par sa vertu spéciale de chasser les démons. Deux problèmes à résoudre se présentèrent sur le champ à l'esprit de Scaramouche. Le révérend était-il en ce moment porteur du crucifix? Ne serait-il pas possible de lui épargner la peine de le porter plus loin? La solution ne se fit pas attendre, et nous devons convenir qu'en cette circonstance, notre voyageur fit aussi bon marché des égards dus aux choses saintes que du respect dû aux lois de la propriété. Nous ne saurions en tout cas décider pourquoi il attachait tant de prix à la possession de ce merveilleux objet, si c'était pour la vertu que lui avait communiquée la bénédiction du Saint-Père, ou pour sa valeur réelle de 50 pistoles. Ce n'est point notre affaire d'ailleurs. Historiens fidèles, bornons-nous à narrer les faits. Chacun de nos lecteurs sera libre d'en apprécier les motifs à son point de vue. Scaramouche se trouva donc soudainement pris d'une attaque effrayante. Il tomba sur le pont, ses yeux dilatés roulèrent affreusement dans leur orbite, ses lèvres s'émaillèrent de filets d'écume, les grimaces les plus effroyables contorsionnaient sans interruption son visage. Nos religieux eurent bien vite reconnu qu'ils avaient affaire à un possédé. Le propriétaire du crucifix se hâta de le tirer de sa robe où il le tenait soigneusement caché et de le poser sur l'estomac du patient. Les convulsions n'en devinrent d'abord que plus terribles, mais peu à peu le calme revint, le visage se rasséréna, enfin, un grand soupir de soulagement s'exhala de la poitrine du possédé et aussi de celle des passagers que cette scène avait frappé de stupeur. La vertu du crucifix était désormais hors de doute. Scaramouche ne pouvait se lasser de le porter à ses lèvres, ce qui lui permettait de vérifier de son côté, en le soupesant de la main, s'il avait réellement la valeur que lui avait attribuée son possesseur. Satisfait de l'examen, il se mit à raconter les tours que ne cessait de lui jouer le malin démon qui avait lui domicile dans son pauvre corps, comme quoi il s'était vu transporter par lui sur la pointe d'un clocher et comment un jeune forcé de 15 jours avait suivi cette périlleuse ascension. Bref, il obtint, non sans peine, qu'on lui laissa le miraculeux talisman sur la poitrine jusqu'à la fin du voyage. Lorsque la tartane arriva en vue de Naples, ce fut un vrai tohu-bohu sur le Tillac. Les passagers, apercevant les chaloupes qui venaient au-devant d'eux pour les débarquer, se ruèrent à la recherche de leurs bagages. Dans cette poussée générale, Scaramouche, qui n'avait à prendre que sa valise, se glissa inaperçu de la tartane dans une chaloupe, paya généreusement le patron, qui fit force de rame, et sauta à terre longtemps avant tous les autres passagers. Les deux religieux furent grandement mortifiés, on peut le croire, en constatant que dans son empressement à gagner Naples, leur protégé avait complètement oublié de leur rendre le crucifix.